annoncer la tempête. Je voulais annoncer le beau temps. Je voulais surtout que ce soit la fête. Sous la pluie ou les vents violents. Afin que vous soyez davantage à contempler les grands orages. Ou à vous accrocher au basque d'un beau soleil ou d'une bourrasque. Faire découvrir la tornade en sirotant une limonade. Vous rafraîchir d'une menthe à l'ombre sous un grand coup de sirocco. Et mieux écouter le blizzard qui aime siffler dans la nuit noire. Ne pas louper la tramontane qui flirte avec la montagne. Je voulais vous dire la météo. On m'a dit que n'était pas un propos, que je n'étais plus de saison. Un vieux cyclone, une dépression. Je voulais vous dire la météo. On m'a dit que n'était pas un propos, que je n'étais plus de saison. Un vieux cyclone, une dépression. Laissez les gens dans le brouillard, sans éclairer ni mettre les phares. Sinon où va notre métier, sans un nuage contaminé. Pour ça on a nos spécialistes, quand ils embrouillent c'est des artistes. Que ce soit l'hiver ou l'été, vous n'êtes pas prêts, vous débrouillez. Notre climat c'est du micro, lorsque ça souffle c'est du pipeau. Et d'un éclair sous une trompe d'eau, on vous ventile Hercule Poirot. Patron top fenêtre et mousson, showbiz, foot news et gros pognon. Plein de bons F-coach à Kilon, ça mouille à versions et gros longs. Vos parapluies, vos sombreros, on s'en tape bien le culot. Car d'un abus ou d'un abo, on vous concocte un mégalo. Car ceux qui chauffent trop l'Elysée, tel Éole et Alizée, il s'est illico légivré dans la pénombre et au grand frais. Allons monsieur, faut pas traîner, votre mistral il est taqué. Ici nous veillons bien au grand camp, et l'ouragan n'est pas très loin. Allons monsieur, faut pas traîner, votre mistral il est taqué. Les diatonnerres chauds et suaient, partez filer, vous décampez. Pas pu faire mon boulot, annoncer le temps qu'il y avait là-haut. Mais sachez qu'au pire des typhons, faudra un jour donner un coup. Je n'ai donc pas pu faire mon boulot. Je n'ai donc pas pu faire mon boulot. N'ai donc pas pu faire mon boulot, faire mon boulot, faire mon boulot. N'ai donc pas pu faire mon boulot, annoncer le temps qu'il y avait là-haut. Mais sachez que le pire est typhon, vous l'avez tous à la maison. Vous l'avez tous à la maison. Vous adorez ces émissions. c'est votre fidèle compagnon. Il vous pourrit votre horizon. C'est votre fidèle compagnon. Il vous pourrit votre horizon. Vous l'avez tous à la maison. Faudrait peut-être bien donner la leçon. Faudrait peut-être bien donner la leçon. Faudrait peut-être bien donner la leçon. Faudrait peut-être bien donner la leçon. Donner la leçon. Donner la leçon. Donner la leçon.